amateur, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, mais c'est con, on va s'en occuper. Ça connaît la musique là, hein, voilà. Ah, attendez, calmez-vous, c'est entre les joueurs du parc, hein. Vous êtes fous, quoi. Il y a des limites, je veux bien être accueillant, mais quand même. Merci, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord commencer, parce qu'avant de déconner, je voudrais quand même rendre un hommage à un certain gardien du PSG, qui malgré ses 40 ans passés, est encore très en forme, et qui va fêter son jubilé bientôt, c'est Apoulaïdel. ans, c'est beau. J'attendais pas celle-là. Apoula qui, on déconne, mais il s'est fait tatouer, j'ai vu sa date de naissance sur ses bras, hein, c'est pas une blague. Donc il y a 19 et 86. Au début, je crois que c'était 86 buts en 6 matchs encaissés, non? En fait, c'est son année parce qu'il pourrait être sûr de s'en rappeler. Donc voilà, c'est même pas une blague, hein, c'est vrai, il a fait ça, quoi. Pour être sûr de prouver, il s'est fait tatouer le prénom aussi. Oui. Ce type est un grand malade. Alors. Non, mais il va très bien, sinon. Fred, tu m'entends? Oui. Dis-moi, Fred, l'homme du week-end en Espagne, c'était pas moi? Oh, bah si. Avec tout ce qui s'est passé. Non, ce que je dois quand même dire aux gens, qui m'a fait visiter Bernabéu, et Bernabéu, c'est incroyable. Bernard, tu l'as déjà dit, c'est magnifique. Déjà, le stade, il est incroyable, ça brille de partout, c'est des paillettes, ça n'a rien à voir avec la France. C'est des lumières bleues, roses, des fauteuils en feutrine, des hôtesses d'origine roumaine, des salons privés. Il n'y avait pas de foot, c'est bizarre, il n'y avait pas de terrain de foot. Je me demande si c'est vraiment Bernabéu qu'on a visité, attention. Hein. Mais en tout cas, si c'est ça le foot espagnol, alors moi je veux faire l'acteur là-bas. Champion du monde, hein. Ah putain, oh les mecs, ça c'est le foot. Enfin, moi c'est le foot comme moi j'aime. Hein. Voilà, franchement c'est bien, c'est multi sport. C'est mieux que le match nul en plus. Je comprends pourquoi Ribéry voulait aller au Real, franchement. Ça, on sait pas tant qu'on n'y est pas allé. Hein. Après ils nous disent le théâtre des rêves à Manchester, j'ose pas y aller parce que là c'est... Bon bref. Alors, Didier nous a parlé un petit peu de l'entraîneur d'Udinese, là, le français, qui, il faut dire quand même bravo, là, qui était, comment il s'appelle, Guidolin, donc magnifique entraîneur qui pourrait quand même... Moi, j'aime beaucoup cet entraîneur, hein, Guidolin. Et il a dit que tous les Brésiliens, si tous les Brésiliens qui ont un handicap physique finissent au Milan AC avant d'aller au Brésil, je voudrais savoir s'il peut pas récupérer Brandao, qui on peut considérer un handicap quelque part. Il fait partie de la confrérie des handicapés, hein, dans son style, hein, attention. Donc d'abord je voudrais quand même dire bonjour à tous les Marseillais qui sont venus ici, nombreux. Merci, bonsoir, bonjour Marseille. Non mais je voulais vraiment, non parce que moi je suis de Paris, donc je voulais vraiment voir des vrais Marseillais. Alors Daniel me disait, si tu veux voir des vrais Marseillais, va pas dans une faculté. C'est comme d'aller skier à l'île Dorée. C'est comme d'aller faire du ski à l'île Dorée. Oui Daniel, si tu pouvais être un peu sympa avec les gens une fois dans ta vie. Mais bon, tu veux pas assumer tes blagues? Non, c'est pas des blagues. Bernard Lama, tout à l'heure, quand même, qui nous a parlé on parlait du RC Lens, qui a dit que Giroud a été remplacé par un je ne sais qui. Alors, ce je ne sais qui s'appelle Jean-Pierre Papin. Ça ne te dit peut-être rien. Ça ne vaut pas Amara Simba et Calderao, on est d'accord. Hein. Mais pour 2-3 personnes dans le public, ça rappelle quelques souvenirs, tu vois. Avec Coquet et Dobrovolski, ça doit être à peu près le meilleur joueur qui est passé par Marseille. Donc je te demanderai, Bernard, de faire un effort aussi. On a parlé de cette école formidable. Ah, le Diambar. Alors, le Diambar, c'est pas du tout un bar, c'est pas le Bouddha Bar ou le Harris Bar. Non, je dis ça. Parce que justement, Brandao était intéressé. J'ai pas touché. Non, mais t'as pas touché, mais enfin bon, t'as quand même un peu effleuré. Surtout qu'en plus, là-bas, on forme hein, les jeunes, on les déforme pas. Non, je le dis à tout hasard pour ceux que ça peut intéresser. Une école formidable, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que les jeunes joueurs, bon, c'est d'abord des gens, ils viennent au foot, mais c'est pas vraiment pour le foot, c'est aussi pour une éducation, pour s'en sortir. Si jamais ils sont pas bons au foot, moi j'ai deux noms à te proposer. Alors par exemple, Tripi Maconda et Jean-Eudes Maurice, est-ce que tu peux les accueillir par exemple? Et est-ce qu'il y a une limite d'âge? Par exemple, Samy Traoré, est-ce que vous avez un atelier poterie, des trucs, une reconversion, un atelier casquette, n'importe, même porter une casquette dans la rue, si ça peut faire rire quelqu'un, c'est un emploi. Voilà. Je sais qu'on manque cruellement de gens de l'agriculture. Alors, Brandao, je voudrais quand même revenir sur Brandao. C'est que Brandao, vous avez raison, on peut tout lui pardonner parce qu'il fait quand même des trucs pour les associations. Ça tombe bien parce que moi j'ai filé 20 euros à Action contre la faim. Parce que si les filles planquez vos miches, hein, parce qu'il paraît que maintenant c'est bon. Hein, si on a donné une association, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Donc moi ce soir je vais aller en boîte à Marseille, je vais me faire plaisir et je vais les ramener dans ma Laguna Diesel puisque c'est quand même la voiture. Non, parce qu'on a quand même beaucoup changé, mais c'est surtout pour ça qu'il est allé en garde à vue. C'est parce qu'il a une Laguna Diesel et qu'il a l'OM. Hein. À l'OM, normalement, t'as une Ferrari, t'as une Lamborghini, t'as pas une Laguna Diesel, c'est dans le code pénal, sinon, tu vois. Faut quand même respecter les institutions. Où j'en étais. Donc, il y a Jean-Philippe, qui n'est plus là, mais qui tout à l'heure nous a parlé des stades modernes, un peu pour la Coupe du Monde. Fallait pas faire la même erreur qu'à la Coupe du Monde pour le championnat d'Europe. Et de ces matchs de ces stades où on va au match toute la journée. Tu sais, on passe la journée au match. J'aurais pas à me la raconter, mais c'est encore Paris qui a montré l'exemple, puisque Paris, entre les embouteillages au périph', le moyen de se garer, le temps de parking et les CRS qui bloquent, tu passes à peu près toute la journée au stade pour voir juste un match. Donc, on n'a rien à recevoir comme leçon. Donc, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je voulais. Ah oui, je voulais parler quand même aussi du match PSG-Montpellier. Et de l'arbitre, parce que nous, quand même, on a joué quand même à 12 contre 10 avec le meilleur joueur, c'était l'arbitre, hein, qui a quand même fait un super match, hein, une passe décisive, un carton rouge, une main non sifflée dans la surface. Le mec, c'est pas Lionel Messi, il fait ce qu'il peut à un moment donné, tu vois, si on peut pas gagner après ça, tu vois. Bon, bah vous, ça vous concerne plus, les arbitres qui sont dans votre équipe, hein, c'est une autre époque, c'était la grande époque. Et oh, chacun son tour, merde. Ah, y'a que vous qui avez le droit, alors nous, on n'a pas le droit, nous. C'est marrant, même quand ils sifflent, ils ont l'accent marseillais, c'est incroyable. Alors, j'allais dire Thierry Hazard, non, Eden Hazard, qui a déclaré après son but, alors lui a demandé, est-ce que vous avez essayé de la placer et tout. Non, pas du tout, en fait, j'ai frappé en force. Et bien, elle est allée dans le but, hein, j'ai pas essayé de la placer, puis elle est allée dans l'opposé, c'est pareil. Alors, je sais pas si c'est une philosophie qu'il a à lui tout seul, mais j'ai l'impression qu'il l'a donné à Mevlut Erding, parce que lui aussi, il pense que tirer à l'opposé, c'est pareil. Non, parce qu'en même temps, lui, il dit, si à l'opposé, c'est pareil. Le mec, tu tires au poteau de corner, le gardien est battu. Il n'y a pas but, on s'en fout, c'est pareil, il te dit, le Belge. Et nous, on a un Turc, hein, je sais pas si on s'en sort vraiment mieux. Je m'en fous, la communauté turque n'écoute pas RMC Info. Cyril, ça a claqué. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le RC Lens, le RC Supporter Lens, je sais pas si vous avez vu, avait un panneau magnifique avec marqué un GPS pour les buts. Alors non, mais il y a un GPS à Lens. Hein. C'est juste que Germain Martel, quand il a mis destination récente, au lieu de taper maintien, il a tapé Ligue 2. Il a tapé chemin le plus rapide, sans passer par les péages. Alors le problème, c'est que donc ça faisait à peu près après la défaite à Caen, perdez à Lyon. Dans 5 défaites, vous êtes arrivés. Donc voilà. Il a juste changé la voix. Avant c'était la voix de Jean-Guy Vallet, maintenant c'est la voix de Bologna. Bon, mais c'est le GPS. J'ai encore le temps quelques chansons. Vas-y maintenant. Juste je voulais quand même dire que moi j'y crois, hein, pour Manchester. J'y crois avant les chansons, dire que moi je crois que l'OM a une chance. Il faut tenir le 0-0 le plus longtemps possible et mettre un contre. Je pense franchement ils peuvent tenir le 0-0 au moins jusqu'à demain 21h. Largement quoi. Voilà. Jusqu'au coup d'envoi, c'est hyper jouable. Donc une petite chanson sur un petit lutin du stade Vélodrome, à qui quand même il serait temps de rendre hommage pour une petite gorgée d'eau, excusez-moi. Comme Pavarotti. Alors attention. 3, 4. Dans le stade Vélodrome, tu vois, il y a un petit homme, tu vois, qui a des demi-pieds. Oui, mais quand il met la gomme, celui qu'on appelle le gnome s'est enroulé boulé. Allez, Valbuena, rappelle-toi de mettre la gomina. Valbuena, toi si petit, dans ta grosse Ferrari, seul au monde. Oh, waouh, waouh, waouh, waouh, monde. Oh, le nain, le nain, nain, nain, nain, nain. Oh, petit bras, et le foot n'existe pas. Si tu es loin de moi, loin, loin, loin, loin, loin de moi. À toi, Daniel. Merci. Énorme. Énorme, Julien. Alors, j'en ai une sur le match contre Manchester. Eh, ça va, on y croit ou pas? On y croit pas! Ouais, tu parles. Alors attends, c'est une chanson de notre ami Claude François. Attention, est-ce que je suis prêt? Oui, c'est bon. 3, 4. On regarde ta montre. C'est pas là. Et on, oui, pardon, remets. J'ai foiré. On coupera au montage, hein, c'est pas en direct, vous inquiétez pas. Vas-y, remets là. Regarde ta montre, il est 21h, le coup d'envoi est imminent. Quelle est la recette pour battre Manchester face à ces milliers de gens? C'est une journée idéale pour pouvoir se qualifier. Enfin en quart de finale, on en a soupé de rester scotché. Hey, l'Olympique de Marseille, c'est un club que l'on aime à jamais, mais chaque fois c'est pareil. Oui, quand on arrive en Ligue des Champions, un petit tour et puis s'en vont. C'est plus facile quand on paye Olympique de Marseille. Attendez, non, c'était pas mon idée. Alors attendez. Cette chanson, stop, coupé. Cette chanson n'était pas mon idée. C'est Daniel qui a mis absolument dans cette chanson. Moi je dis, c'est fini. L'époque où on achetait les joueurs pour qu'ils jouent pas les matchs, aujourd'hui éventuellement ils sont prêts à acheter Brandao pour qu'ils jouent pas le match, mais c'est tout. Alors arrêtons, j'ai une dernière chanson quand même. Sur notre ami Brandao, parce que c'est sa soirée, on va pas se mentir. Alors, non les mecs, je vous jure, c'est pas moi. Allez, 3-4. Tu ramènes les plus belles dans ta Laguna diesel. Tu frimes, il frime. Et quand tu joues pour l'OM, sous tes airs un peu balourd, tu tentes un vieux café crème. Tu te prends les pieds, dans le yaourt. Quel four, oh Brandao, oh, oh, oh, tu nous rappelles Fernandao, quand tu vises entre les poteaux, c'est trop à droite ou bien trop haut, tu casses les appareils photo. Merci, bonsoir.